La Noël de Jean Rumingol. Jean Rumingol était de son métier chanteur de chansons. La race disparaît, hélas, de ces vagabonds inspirés qui jadis peuplaient les routes de la Basse-Bretagne. Ils s'abattaient sur le pays au printemps comme une joyeuse volée d'oiseaux. Ils abondaient surtout au pardon. Ils y arrivaient la veille, le soleil déjà couché, avec leur havresac en peau de veau bourré de chansons, de guerres dolentes et de saunes délicieuses. Ils passaient la nuit accroupis sur les bancs de pierre du porche ou allongés dans l'herbe du cimetière entre les tombes, et ils dormaient là, paisiblement, le visage tourné vers les étoiles. La lumière du matin faisait étinceler le rayon que la rosée avait saupoudré de diamants. Soudain, ils se levaient de terre, secouaient, comme ils disaient, leur pauvreté, et s'égosillaient à qui mieux avec des voix allègres d'alouette. Jeunes gens et jeunes filles, venus là pour la messe matinale, faisaient cercle autour d'eux. Entre deux couplets, le chanteur brandissait au-dessus de sa tête une poignée de feuilles volantes. Deux pages rugueuses, grossièrement imprimées, mais en qui bruissait l'âme enfantine et si charmante des vieilles poésies primitives. Qui veut la guerze? Qui veut la saône? Dao Gwenec, deux sous. Et des mains se tendaient, et on se l'arrachait, ce papier de chandelle, et les gros sous pleuvaient dans l'escarcelle de l'homérie de Bas-Breton. Il n'y séjournait pas longtemps, chanter donne soif. Puis c'était bien le moins que, en l'honneur du saint du lieu, l'on se permit quelques libations à la mode antique. Avant la fin du jour, les bons aèdes avaient bu autant de chopines qu'ils avaient vendues de chansons. C'étaient de vrais enfants de sans souci. Ils aimaient à s'en aller les poches vides comme ils étaient venus. On ne les en blâmait point dans ce temps-là. Leur facile imprévoyance semblait aux gens toute naturelle. On les regardait un peu comme des êtres à part, qui n'avaient pour fonction dans la vie que de perpétuer parmi les Bretons le culte des vieux chants, d'en composer de nouveaux suivant les formules consacrées et d'égayer, en les répandant par le pays, la misère aussi dure à porter des pauvres laboureurs d'Armorique. Hommes bénis, on les accueillait partout avec une sorte d'empressement superstitieux et comme des hôtes de bons présages. L'hiver, quand ils apparaissaient au seuil des fermes, leur havresac dégouttant de neige, leur barbe hérissée de glaçons, vite, on se serrait autour de l'âtre pour leur faire place à l'air du feu. Souvent même, l'aïeul se levait de son fauteuil de chêne et les contraignait de s'y asseoir. Lisez la ballade de Kerglogor, telle que M. Luzel l'a contée, et vous verrez comme on leur faisait fête. Crêpes de blé noir, châtaignes bouillies, et le flip des lieurs de langue. Ah, les chanteurs de chansons avaient en ce temps-là toute la Basse-Bretagne pour famille. Pas un vaisselier où ils n'eussent leur écuelle, pas une maison où leur coucher ne fût toujours prête dans la chaleur saine de l'étable, auprès des chevaux ou des bœufs. On n'eût pas vu alors un Jean Rumingol, le plus habile ouvrier de verre qui fût jamais, errer 3 jours et 3 nuits dans la campagne gelée, sans un bouchon de paille où appuyer sa tête, et qui pisait, sans une croûte de pain à se fourrer dans le ventre. Malheur de Dieu! Faut-il que tout soit changé, les temps et les âmes? On l'avait trouvé, petit enfantelet nouveau-né, enveloppé de mauvais anges, un matin de la Saint-Jean au pied du pilier de la Vierge dans l'église de Rumingol. De là ses noms et prénoms. C'est une coutume en Bretagne de vendre aux enchères les cendres qui restent des feux allumés en l'honneur de Monseigneur Saint-Jean. Ces cendres ont des vertus miraculeuses. Elles assurent à qui les répand sur sa terre des récoltes extraordinaires. C'est dire qu'on se les dispute. Qui les veut avoir, y doit mettre le prix. Le produit de la vente a sa destination toute marquée. On l'emploie à faire célébrer les messes expiatoires pour les défunts de la paroisse. Il va grossir le casuel du desservant. Mais cette année-là, les gens de Rumingol dérogèrent à l'usage traditionnel, et cela sur la proposition du recteur lui-même. Il fut convenu que pour cette fois, l'argent des cendres serait consacré à payer la mère nourrice qui voudrait bien se charger de l'enfant d'aventure. Une femme se présenta au refus de plusieurs autres que le recteur avait sollicité d'abord. une pauvresse, une veuve de matelot qui passait pour innocente. Elle habitait une misérable chaumière d'argile au haut d'une lande du côté d'Anvec. C'est là qu'elle emporta Jean Rumingole roulé dans son tablier. Elle l'y nourrit du lait d'une chèvre qu'elle avait. Pour l'endormir, elle lui chantait des bouts de complaintes, des guerres d'une inspiration sauvage dont sa mémoire avait retenu des lambeaux. Elle avait une voix étrangement mélodieuse. On l'invitait souvent aux veillées d'alentour, rien que pour l'entendre chanter. L'enfant grandit, bercé par ces mystérieuses mélopées qui ressemblaient à des incantations. De bonne heure, une âme musicale s'éveilla en lui. Puis cette croupe de pays où il demeurait avec sa mère nourrice était comme hantée par les vents, par ces grands bruits d'orgue qui emplissent la Bretagne de leurs mugissantes harmonies. Ils ébranlaient la hutte, réveillaient en sursaut l'adolescent dans son lit de fougère, lui criaient « Viens donc avec nous, nous sommes les divins nomades, les voix errantes, les bouches sonores de l'air. Nous t'apprendrons les rythmes éternels, tu seras notre disciple bien-aimé. Nous soufflerons en toi notre esprit, nous t'enseignerons les seules choses qui vaillent la peine d'être sues, le mépris des vains labeurs où s'immobilise la pensée des hommes, l'amour des libres espaces dont vécurent tes ancêtres et la douce contemplation des étoiles qui les enchanta. Suis-nous, Jean Rumingole. » Un soir, il les suivit. La mère nourrice lui fit de graves adieux. Elle lui passa au cou une médaille de plomb où se voyait en pied la Vierge de Rumingole avec ses doigts fins qui se prolongeaient en rayons. « C'est le portrait de ta marraine, » dit-elle. « Quand on t'a trouvé près de son pilier à l'église, elle te souriait ineffablement. Puisse son sourire t'accompagner et être dans toute ta vie comme une lumière. » Là-dessus, Jean Rumingole s'enfonça dans la nuit. C'était le temps où la terre bretonne est en fleurs, où des odeurs de paradis lointains semblent se mêler à l'haleine des choses. Le jeune homme marcha devant lui au hasard du côté où soufflait le vent, tout étonné de sentir trembler dans son âme le reflet des étoiles qui brillaient là-haut. Et dès lors il erra, semant à plein gosier les plus beaux vers, lâchant à travers l'armorique les vols éperdus de strophes qui se nichaient d'elles-mêmes dans les mémoires. Il eut son heure de popularité. En Cornouailles, en Tréguier, en Goëlo, on le salua comme le maître des chanteurs. On l'avait surnommé Costican Odd, le rossignol des grèves, parce qu'il voyageait de préférence le long des côtes et se faisait surtout entendre dans les hameaux marins. Non qu'il dédaigna l'intérieur, le pays de l'Argoite, on appelle ainsi plus particulièrement toute la Cornouaille des monts d'Arrée dont les pentes sont encore couvertes de bois, où fument, sous le couvert des bois, les cabanes très primitives des sabotiers. Mais la mer l'attirait. Les vents lui avaient raconté sur elle des histoires merveilleuses. Il la savait peuplée de villes profondes, immenses, engourdies et non mortes. D'ailleurs, il l'aimait pour elle-même. Elle était si bleue, si verte, si rose, de nuances si adorables, d'un charme si ondoyant. Et c'était presque toujours elle qu'il chantait. Il la nommait sa douce. Il disait ses rires et ses colères soudaines. Il la célébrait comme l'épouse du ciel et comme la mère du monde. Aussi les tribus grouillantes de pêcheurs qui pullulent sur le littoral armoricain se pressaient-elles autour de lui, avides de louir. D'un bourg à l'autre, on se signalait sa présence. On allumait sur les hauteurs de grands feux, et cela voulait dire « Petite voile brune, éparse là-bas au large de la côte, revenez vite, Jean Rumingole est parmi nous !» Et vite, vite, les petites voiles brunes rentraient au port. Oui, ces triomphes-là, Jean Rumingole les connut naguère. C'étaient les belles années. Depuis, hélas, tout avait changé. Tout, les êtres et même les choses. Si bien que Jean Rumingole n'était plus qu'un étranger dans son propre pays. Des gens venus de Brocal, dans des chariots monstrueux traînés par des bêtes en fer, avaient envahi la contrée, la bouleversant de fond en comble. Au lieu des petites maisons basses de pêcheurs, toutes grises et comme sculptées dans les roches qui les abritaient, ce n'était maintenant au bord des grèves que bâtisses bizarrement peinturlurées, auberges immenses, plus somptueuses que des églises, où folâtrait du matin au soir et souvent du soir au matin une population aux allures vives et bruyantes, pour qui le plaisir semblait être l'unique affaire et qui poussait l'irrévérence jusqu'à badiner avec la mer sacrée. Le solennel silence des côtes bretonnes fut d'abord scandalisé de tout ce tapage, mais on n'y pouvait rien. Les rochers, ces grandes figures de pierre, ces aïeux du monde, dont aucun profane n'avait encore troublé le rêve, se virent soudain mis en pièces, débités en moellons. Quelques-uns, dit-on, échappèrent cependant au carnage par l'exil. Des femmes de matelots, des ramasseuses d'épaves, affirmèrent les avoir vues s'éloigner par le chemin des eaux en une longue procession, puis disparaître du côté de l'ouest dans la brume. On considéra cela comme un intersigne annonçant la mort de la vieille Bretagne. Bien des cœurs se serrèrent à cette idée. Jean Rumingold en fit une complainte tragique, et quand il la chantait, il avait des sanglots dans la voix. Mais son cri d'alarme venait trop tard. Déjà les Bretons s'étaient laissés prendre aux subtiles séductions des gens de France. Peu à peu, ils avaient adopté d'abord leurs vices, puis leur accoutrement, et enfin leur langue, de sorte que Jean Rumingold prêchait à des oreilles qui ne voulaient plus entendre. Les lamentations de Jérémie ne trouvèrent pas d'écho. Les vieillards hochaient la tête d'un air résigné, passif. Les jeunes éclataient de rire au nez du barde. Les personnes sensées lui disaient sur un ton de pitié méprisante « En vérité, nous cherchons vainement à comprendre pourquoi vous geignez ainsi. Ce que vous appelez un mal est le plus grand des biens. » Non seulement les hommes de France ne complotent point la mort de la Bretagne, ils la ressuscitent au contraire, ils lui ont apporté la connaissance des choses utiles, la prospérité, la vie. Pêcheurs et laboureurs faisaient chorus. Jamais le blé, jamais le poisson, même au temps des disettes les plus fameuses, n'avaient atteint des prix aussi invraisemblables. À ceux qui parlaient de la sorte, Jean Rumingold ne répondait rien. Il se contentait de leur tourner le dos. Il ne les considérait plus comme des Bretons, comme des hommes de sa race. L'amour du lucre était entré dans leurs âmes. Ils n'avaient plus rien de commun avec eux. Hélas, jour par jour, il dut assister, témoin irrité mais impuissant, à cette agonie de son pays, à cette déchéance de son peuple. Il n'en continua pas moins de promener à travers les hameaux sa haute silhouette, ses longs cheveux grisonnants, sa face rasée, creusée, émaciée, et sa parole amère de savonarole bas-breton. Il semblait le spectre du passé. On ne tarda pas à le trouver importun. On le traita de fou, de vieux rêveur. « Oui, rêveur, ripostait-il, voilà pourtant où vous êtes tombé. Ce nom dont vos pères se faisaient gloire est devenu une insulte sur vos lèvres. » Les seuils se fermèrent à son approche. Les chiens lui montraient les dents et les enfants lui jetaient des pierres. Un jour qu'il cheminait par le Léon, il se présenta dans un manoir où jadis son couvert était toujours mis à la meilleure place. Mais depuis qu'il n'y avait paru, l'ancien du lieu était mort. Son fils aîné, le maître actuel, dévisagea le poète nomade. « Que te faut-il, mendiant ? Du pain, pour l'amour de Dieu, quand tu l'auras gagné, » fit l'homme. Et il lui proposa de l'ouvrage du chanvre à tailler. Pour le coup, Jean Rumingold eut dans les yeux une telle flamme de haine que Léonard recula, épouvanté. Il ne se rassura qu'après avoir vu le vieux vagabond franchir la porte, du pas chancelant d'un homme ivre. Car il chancelait, le pauvre Jean. Sa colère s'était comme fondue subitement en une détresse infinie. Il venait de prendre conscience de son inutilité dans un monde qui prétendait faire des tailleurs de chanvre avec les chanteurs de chansons. Il marcha désormais au hasard, ou plutôt à l'abandon, comme une chose inerte, comme une barque en dérive, ne chantant plus, marmonnant des paroles sans suite, l'âme jonchée d'un tas d'inspirations mortes. Il traversa Rumingold sans savoir, et nul ne le reconnut tant il était cassé, flétri. On était en décembre. Il voulut grimper une dernière fois au Ménéum pour saluer de là-haut la mer grande, embrasser d'un regard suprême l'horizon de la terre d'Armor, et puis rendre au vent l'esprit chanteur dont il lui avait confié la garde, les néo-bretons n'en ayant que plus faire. Sur le flanc du Menez est une pyramide de pierres brutes qu'on appelle dans le pays Bernmain. Le tas de pierres, la légende de la mort chez les Bretons armoricains, l'âme dans un tas de pierres. Un roi, dit-on, est enterré sous ce cairn. Jean Rumingold se laissa choir au pied de cette tombe primitive. Depuis 3 jours et 3 nuits, il n'avait mangé. Il ferma les yeux pour ne plus rien voir, pas même les étoiles. Une torpeur l'envahit. Dieu merci, pensa-t-il, c'est la fin. Tout à coup, des bruits éperdus de cloches prirent leur volée dans le vaste silence. Il sentit leurs ailes battre contre ses tempes, et les cloches lui crièrent aux oreilles joyeusement. « Réveille-toi donc, Jean Rumingold, oublies-tu que c'est Noël ?» C'était nuit de Noël, en effet. Les cloches joyeuses disaient vrai. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien faire au vieux barde, cette allégresse de la terre pour la naissance de l'enfant Dieu? Est-ce que cela empêchait que la Bretagne fût mourante et qu'il eût lui-même soif de la mort? Voici que la chanson éparse des cloches lui apparaissait comme une dernière ironie, comme un défi suprême jeté au grand deuil qu'il portait dans l'âme. Il leur en voulait de carillonner si allègrement, alors qu'elles eussent dû teinter le glas. Mais les cloches n'en continuaient pas moins leur chanson. Elles y mettaient une sorte d'acharnement, et l'on eût juré, sur ma foi, qu'elles n'en avaient qu'après Jean Rumingold. Elles tournoyaient au-dessus de sa tête, bourdonnaient à ses oreilles, le houspillaient presque, et quand les unes étaient lasses, d'autres survenaient, comme si toutes les cloches de la chrétienté se fussent donné rendez-vous sur le Ménéum. Jean Rumingold, réveille-toi, lève-toi, Jean Rumingold, c'est Noël, Noël, Noël. En chantant cela, elles avaient des voix si pénétrantes, si douces, que malgré lui, Jean Rumingold sentait tout son vieux corps tressaillir d'aise. Comme à l'appel des cloches du dehors, des cloches intérieures s'ébranlaient en lui-même, dans le crépuscule de ses lointains souvenirs. En vain, il s'efforçait de ne les entendre pas. Elles l'emplissaient d'une victorieuse vibration qui retentissait dans tout son être. En vain, il tenait ses paupières obstinément closes. Les Noëls anciennes repassaient devant ses yeux, vêtues de leurs robes de neige, et derrière elles défilaient de souriantes images. Il voyait, quoi qu'il fît, les petites routes rustiques poudrées de blanc, la nuit sainte d'un bleu étrange, d'un bleu surnaturel, les étoiles en marche dans le ciel, étincelantes et comme ravivées. Puis c'étaient des processions d'humbles gens, des processions de laboureurs, de pâtres, de jeunes servantes et de vieilles filandières, s'acheminant ainsi qu'au temps de l'Évangile vers la crèche symbolique, pour y contempler le roi Jésus couché sur la paille entre des bœufs. C'était encore l'église de paroisse, ses piliers courts et trapus, son autel radieux, son peuple de cierges, l'air de bonne humeur qu'avaient les statues des saints sous les caresses inaccoutumées de toute cette lumière qui les allait chercher jusqu'au fond de leur niche et faisait rayonner leur dur visage. Quelle que fût l'église et quel que fût le desservant, Jean Rumingold, cette nuit-là, avait toujours sa stalle réservée dans le cœur. Et quand le prêtre avait célébré les 3 messes, le chanteur pontifiait à son tour, debout, ses longs cheveux de celte épandus sur ses épaules, les mains appuyées à son bâton de pèlerin. Il entonnait, en un breton quasi biblique, une hymne de circonstance, improvisée le jour même. Il chantait d'une voix lente, un peu rauque, mais avec un accent si profond qu'il vous prenait l'âme. Il commençait en se comparant aux mages nègres, pauvres souverains d'une race dédaignée. Il disait comment une jeune étoile l'était venue réveiller là-bas, dans les solitudes du désert. Il n'avait pas de présent à apporter au Dieu nouveau, mais tout de même, il s'était mis en route pour le saluer avec un esprit soumis et un cœur parfait. Il déposerait à ses pieds sa détresse, la seule chose qui fût à lui. Ici, Jean Rumingold faisait une pause, puis en une cantilène naïve, il évoquait la gracieuse apparition de la Vierge Mère. Il était resté le dévot de sa marraine. Il trouvait pour parler d'elle un langage divin et cependant familier. Il la montrait, s'avançant par la rue d'un pas alourdi par sa grossesse sacrée. Un Noël breton dit son ventre montant jusqu'à ses yeux. Sonio Brazizel, tome 2. Il décrivait Bethléem, ses maisons de chaume, les fumiers au seuil des portes, des gens attablés dans les auberges, un vrai village breton par une après-midi de dimanche, et Joseph frappant à un cabaret dont l'hôtelier avait un fils clerc, et le fils clerc intercédant auprès du père avaricieux pour qu'il logeât gratuitement, au moins dans son étable, la douce compagne du charpentier. Venaient ensuite quelques merveilleuses histoires témoignant du pouvoir de Marie, celle par exemple de Berthe à l'infirme, qui n'avait aux épaules que des moignons, et à qui des bras poussèrent pour qu'elle pût emmailloter l'enfant Jésus. Ah, c'est Noël d'antan. Jean Rumingold, vous avez une façon à lui de dire les choses. On croyait y être. Il vous transportait par-delà les espaces, dans la bourgade galiléenne en ce grand soir de la nativité. Ou plutôt, c'était sous vos yeux, là, dans la vieille église bretonne, presque aussi nue, presque aussi branlante qu'une crèche, que le Mabic naissait, le Mabic l'enfantelet, les bas bretons désignant ainsi l'enfant Jésus. Des Italiens l'appellent d'eux-mêmes le Bambino. Son image de cire semblait vivre. On respirait sa délicieuse haleine. Sous les voûtes basses, à l'entour des piliers, malgré les bises de décembre et la silencieuse tombée de la neige au dehors, il courait des souffles tièdes, l'odeur réchauffante du printemps chrétien. Les pâtres, les laboureurs pouvaient se figurer qu'ils assistaient réellement à la venue du Messie, mais d'un Messie breton en quelque sorte, tant ce Jean Rumingold excellait à tout bretoniser, même Dieu. Aussi, quand le poète avait terminé son présec, son sermon chanté, c'était à qui l'hébergerait pour le reste de la nuitée, c'était à qui l'emmènerait par les petites routes poudrées de blanc vers la ferme lointaine, perdue et comme ensevelie dans le mystère de la campagne. Hommes, femmes, enfants lui faisaient cortège. Il semblait que ce fût un prophète, un personnage prestigieux. Et de fait, il avait en lui l'âme des anciens mages. Il avait approché Dieu, ce misérable, et ses haillons en restaient comme embaumés. Pendant le trajet, on le suppliait de prêcher encore, et il se remettait à chanter la guerze de Jésus dans le silence solennel de la nuit, son bras levé dans un geste grandiose, dans un geste de semeur, répandait autour de lui la bonne nouvelle. Sa voix roulait plus vibrante dans l'air glacé. Sur les talus, les chaînes penchaient pour l'écouter leur torse macabre. Les chiens de garde oubliaient d'aboyer. Les bœufs dans les étables meuglaient doucement. La mer même, ensorcelée, suspendait sa plainte éternelle. Jean Rumingold chantait tout le long du chemin. À la ferme, la veillée se continuait jusqu'à l'aube. Un tronc d'arbre brûlait dans le foyer, et le noble vagabond, assis dans l'âtre, était comme enveloppé d'une auréole de feu. Le Jean Rumingold de ces temps-là se sentait investi d'une mission, d'un sacerdoce. Il ouvrait dans l'imagination des humbles de hautes perspectives. Il les aidait à voir le ciel. Il faisait passer devant eux le mirage des paradis futurs auxquels il croyait ardemment. Il était vraiment apôtre. Il avait le don des grands rêves qui seuls font vivre les âmes. Et après avoir pétri ce pain d'élection, il avait joie à le partager avec la foule. Mais à quoi bon le boulanger désormais, ce pain azyme, puisque les Bretons en étaient là? Taisez-vous, cloche des Noëls anciennes. Jean Rumingold est de trop parmi le monde d'à présent. Laissez-le mourir de sa belle mort avec la neige pour linceul et pour oreiller le tombeau d'un roi. Soyez-lui compatissante, ô cloche. Ne l'obligez pas à déclore ses yeux. Il les rouvrirait sur un pays vide et désenchanté. Pitié pour le vieux barde. Il a jadis magnifiquement interprété vos voix. Faites comme les vents ses premiers maîtres. Ne sonnez que pour l'endormir. Lève-toi, Jean Rumingold, lève-toi! Elles sont obsédantes, ces cloches. Même sur le Ménéum, il est dit qu'on ne peut mourir en paix. Combien vaste pourtant est la solitude, et combien sauvage! C'est à peine si en avril les bergers osent y faire paître leurs moutons récalcitrants. L'herbe y est amère, rase et rousse. En décembre, il est morne ce promontoire, avec ses deux croupes jumelles également chauves. Entre les deux se tapit une chapelle sous le vocable de Sainte-Marie, un de ces sanctuaires bretons qui sont comme des guérites bâties par la piété populaire le long des côtes. Du haut de ces oratoires, les vieux saints d'Armor veillèrent longtemps sur le pays, montèrent autour de la Bretagne une sorte de garde sacrée. Saints marins pour la plupart, ayant encore dans quelque coin de leur chapelle l'auge de pierre où jadis ils naviguèrent, leur sanctuaire était comme des sémaphores épars sur les hauts lieux. Et de ces sémaphores mystiques, les Modèzes, les Guévrocs, les Kirecs, les Guénolés, les Cadocs, les Bezecs et tant d'autres étaient les guetteurs éternels. Ils rassuraient les hameaux de pêcheurs dont les masures inquiètes aimaient à se blottir à leurs pieds. Mais leur vigilance protectrice s'étendait bien au-delà. Elle rayonnait sur la mer même, jusqu'aux extrêmes confins de l'horizon des eaux. Elle enveloppait d'une atmosphère de calme et de sécurité les vaillantes petites barques vouées à l'aventure quotidienne. Dès qu'il y avait menace de gros temps, la cloche de la chapelle se mettait d'elle-même à tinter. Et ce signal si menu, si grêle, semblait se prolonger à l'infini. Il dominait la sauvage chanson du vent, la chanson plus sauvage de la houle. Il se propageait sonore au sein de la brume la plus épaisse. Et les barques lointaines faisaient force de voile vers la terre. Tel un troupeau que la trompe du berger rassemble, elles rentraient dans l'aisance de la côte comme des vaches à l'étable. Les équipages, pour remercier le saint, entonnaient son cantique. Ses rudes voix d'homme étaient douces à entendre le soir dans les étroits chemins caillouteux, rythmés par la cadence lourde des sabots. Debout sur les seuils, les femmes les écoutaient venir en tricotant, et dans leur âme aussi s'élevait un chant ineffable, une reconnaissante action de grâce. Que de fois Jean-Rumingol avait été témoin de ces retours. Plus encore que les saints patriotes, comme les appelle Albert le Grand, la Vierge était chère aux Bretons du littoral. Sur tous les caps, il dressait son image. Il lui bâtissait des maisons de pierre sculptées. Tiar Verès, la maison de la Vierge, c'est ainsi que le langage populaire désigne la plupart des chapelles qui ont la Vierge pour patronne. Avec des clochers élégants qu'on prendrait de loin pour de fines robes de dentelle en granit suspendues entre terre et ciel. Il l'invoquait sous de multiples noms, les plus poétiques, les plus tendres. Il la nommait Madame Marie la Douce, Vierge de Bonne Nouvelle, Fleur Blanche de la Mer. Pendant les tourmentes, il la voyait marcher, vêtue de lumière sur les flots. Elle ouvrait devant les bateaux des routes d'argent clair. Le seul frôlement de sa longue jupe apaisait la colère des vagues. La tempête lui obéissait avec une docilité bêlante de mouton. C'est du moins ce que croyaient fermement les Bretons d'autrefois. Ils croyaient encore que Sainte Marie du Ménéum avait été préposée par Dieu à la garde des mystérieuses cités qui dorment, enfouies sous les eaux au bord des plages armoricaines. Aux temps anciens, avant la disparition d'Is, elle fut la patronne de cette merveilleuse capitale. Quand la ville eut été submergée par les flots, Gralon, qui s'était enfui sur son cheval gris pommelé avec saint Guénolé en croupe, vint prendre terre au pied du Ménéum. Sur les conseils du moine, il fit élever au sommet du mont une église expiatoire, de proportions modestes, mais qui reproduisait néanmoins en ses lignes essentielles la cathédrale d'Is. Il s'apprêtait même à faire sculpter une Sainte Marie en granit bleu, toute pareille à celle que la mer avait engloutie avec tout le reste. Guénolé lui enjoignit d'attendre, et momentanément la niche destinée à la Vierge resta vide. Mais un soir, les pêcheurs de Castres, de Pentrez et de Plomodierne ne furent pas peu surpris de voir une grande silhouette rigide de femme que le couchant auréolait d'un nimbe d'or glisser majestueusement sur la face des ondes. Elle marchait du pas étrange et silencieux d'une statue. Parvenue à la grève, elle s'engagea dans le sentier de la montagne, et le lendemain, qui était un dimanche, la Vierge d'Is se dressait en pied dans l'église neuve du Ménéum. on crut remarquer que dans sa main droite, elle tenait une grosse clé de fer artistement ouvrée. On en conclut que c'était la clé de la ville noyée. Depuis, un proverbe eut cours qui disait « Si jamais Sainte Marie descend du Ménéum, ce sera pour rouvrir les portes de Ker Is. » Comme le gland engendre le chêne, ainsi le proverbe engendre souvent la légende. Plus tard, on raconta dans le pays que la Vierge du Mont quittait son piédestal tous les 100 ans durant la nuit de Noël pour aller montrer le Mabic aux cités qui dorment sous les eaux. Bienheureux le vivant qui se trouvait cette nuit-là sur son chemin. La Vierge le priait de porter l'enfant Dieu et l'emmenait à sa suite dans les villes mystérieuses. Il y assistait à de merveilleux spectacles. Il y voyait des choses si belles que ses yeux en demeuraient éblouis pour l'éternité. Mère nourrice au veillé d'antan se faisait l'écho de ces naïves histoires et Jean Rumingol les apprit tout enfant de ses lèvres. Longtemps il en fut hanté, mais vieilli maintenant et désabusé, il n'y ajoutait plus grande foi. Il savait, hélas, désormais l'inanité des légendes. Il les savait mourantes comme l'âme délicieuse des ancêtres qui les enfanta, et il les regrettait d'ailleurs assez pour se résoudre à ne leur point survivre. Il voulait mourir, d'abord parce que les rêves auxquels il tenait le plus lui avaient fait banqueroute dans la vie. Puis parce qu'il gardait l'espoir ou l'illusion qu'il pouvait se reconstruire dans l'au-delà de la mort. Dans ce dessin, il avait choisi ce Ménez, le plus farouche sommet de la Sierra Bretonne. Il comptait y trépasser, solitaire. La mer toute proche eût célébré sa messe funèbre, et la nuit, la triste nuit d'hiver, l'eût cousu dans un linceul de neige blanche, de ses doigts glacés et silencieux. Les grands fauves ont, dit-on, de ces pudeurs. Ils se cachent pour mourir. Jean Rumingol avait dans les veines du sang d'animal sauvage. Or, voici que cette nuit se trouva être celle de Noël. Voici que toutes les cloches se mettaient en branle. Voici que, par un fait exprès, semblait-il, elles accouraient de tous les points de l'horizon à ce morne promontoire, comme s'attroupent les sorcières au lieu du sabbat. Sorcière pieuse, sabbat divin. Jean Rumingol souleva ses paupières qui déjà s'appesantissaient. Ce qu'il vit alors, je vais tâcher de vous le dire. Les cloches tourbillonnaient dans l'air, sveltes, légères, lumineuses. On eût dit un essaim de fées. Leurs robes de bronze, qui faisaient un grand bruit sonore, étaient saupoudrées de neige étincelante comme d'une poussière de diamant. Les battants se balançaient, furtifs et doux, ainsi que des pieds de femmes qui dansent. Chose plus étrange encore, elles avaient des figures, de jeunes visages d'un rose de séraphin, avec des regards limpides, couleur de ciel. Leurs chevelures éparses baignaient leurs épaules. D'aucunes étaient blondes, du blond des peupliers en automne. D'autres avaient le ton roux des feuilles qui s'amoncellent au pied des chênes. D'autres étaient brunes, au point de se confondre avec la nuit. Jamais il n'avait été donné à Jean Rumingol de contempler des formes de cloches aussi surnaturelles. Il se demandait si ce n'était pas le rêve de la mort qui commençait à se dérouler devant ses yeux. Et comme ces chanteuses aériennes continuaient de lui répéter « Lève-toi », il se leva. La vieille église du Ménéum était illuminée splendidement. Toutes les étoiles du firmament y brûlaient comme autant de cierges. Dans la baie du portail apparut la Vierge, en granit bleu, marchant de son pas de statue vivante. Jean Rumingol la regarda venir. Les étoiles la suivaient, rangées en longue file, comme pour une procession. Dans ses bras était le Mabic, le dieu nouveau-né, enveloppé de l'ange qui avait été taillé sans doute dans les morceaux d'une toile très ancienne. Elle s'en vint droit aux bardes. Elle souriait de ce même sourire qu'elle avait aux lèvres le matin où Jean Rumingol, l'enfant d'aventure, fut trouvé près de son pilier. « Te voilà bien vieux et bien là, mon pauvre Jean, » dit-elle de sa voix mélodieuse. Il s'était jeté à genoux et ne sut que balbutier « Ah, ma marraine, ma bonne marraine !» Elle reprit. « pour vieux que tu sois et si lourde que t'aie été la vie, je désire, filleule, que tu m'aides à porter mon fils. C'est un honneur dont je suis indigne, ma reine, mais je ferai ce qu'il vous plaira, et où vous voudrez que j'aille, j'irai. » Avec des précautions infinies, il reçut l'enfantelet divin, et aussitôt il sentit courir dans ses veines une flamme étrange de jeunesse. Il lui sembla que tout son être reverdissait, comme au souffle d'un printemps surnaturel. « Viens, » dit la Vierge. Jean vit qu'elle tenait à la main une clé de fer. Ils se mirent à descendre la montagne dans la direction de la mer. Les cloches sonnaient, agitant leurs grandes robes de bronze. Le ciel entier retentissait d'une vibration immense. Les flocons de neige planaient comme de légers oiseaux blancs, comme de toutes petites choses ailées, vaguement chuchotantes, puis s'abattaient sans bruit, ainsi que les pétales de fleurs, pour faire un tapis de ouate fine sous les pas de la Vierge et de Jean Rumingold. On chemina longtemps en silence. Le cœur du vieux chanteur de chansons battait à se rompre. Il éprouvait un sentiment d'allégresse mêlé d'angoisse. Il avait conscience qu'il allait au-devant de quelque magique révélation. Il les avait souvent parcourus, de nuit comme de jour, et par des hivers tout semblables à celui-ci, ces campagnes de Caste, de Plomodierne et de Plonévesborzay qui dévalent en pente douce, avec leurs menues pièces de terre et leurs bouquets de bois, vers la baie de Douarnenez. Jamais il ne leur avait trouvé ce je ne sais quel air qu'elles avaient ce soir. On les eût dites attentives à quelque chose d'insolite qui se préparait dans l'ombre. Elles étaient troublées, elles aussi, d'une émotion mystérieuse. Cela se voyait à l'attitude des arbres, des talus, et à une sorte de frisson qui agitait le sol même. Un grand silence d'attente, une oppression infinie. Ce qui, plus que tout le reste, étonnait Jean Rumingold, c'était de n'entendre point la chanson coutumière des eaux de la mer qu'il savait toute proche. Vainement il les cherchait, ces eaux, entre la presqu'île basse de Crozon et les hautes falaises du Cap, dont la courbe majestueuse se dessinait énergiquement sur le fond clair de la nuit. La baie apparaissait comme un immense entonnoir vide. L'océan s'était enfui. Il devait avoir été refoulé là-bas, à des lieues et à des lieues. On respirait encore son haleine salée, son odeur de saumure saine, si persistante. Mais de lui, tout s'était effacé, à moins que ce ne fût lui, ce nuage d'un gris sombre qui se distinguait à peine dans les lointains et qui avait une forme de bête cabrée, comme sont représentés les chevaux dans certains groupes équestres. Du moins, son hennissement sauvage s'était-il évanoui. La plage, d'ordinaire bruissante, traversée par des galops de vagues, s'étendait, nue, plate dans sa maigreur de solitude stérile. Et c'est de ce côté que la Vierge s'avançait. On marchait maintenant dans les sables. Le mabic faisait mine de dormir dans les bras du vieux barde, mais de ses yeux clos des gouttes de lumière coulaient. Dans cette partie de la grève est un éboulis de roches, un pan de falaise sans doute tombé là et que les flots n'ont pu émietter. Des lambeaux d'argile y sont restés suspendus avec leurs herbes. Cela ressemble aux derniers débris survivants d'une ruine. Ce sont des blocs de schiste aux assises régulières, rappelant les constructions primitives, les maçonneries cyclopéennes. Un bloc plus massif et comme appuyé aux autres figure assez bien la porte, ou mieux, la poterne de cette espèce de rempart préhistorique. Sainte Marie du Ménéum introduisit dans la pierre la clé qu'elle portait. La pierre roula sur d'invisibles gonds et exhala, en s'ouvrant, un soupir si doux, si long, si puissant que toute la terre bretonne en dut tressaillir dans ses entrailles les plus profondes. « Te voici dans le pays de tes jeunes rêves, » dit la Vierge à son filleul, le chanteur nomade. Jean Rumingold s'était déjà ressouvenu de la légende. Il avait compris avant même que sa marraine eût parlé. « Donne-moi l'enfantelet, » reprit-elle, « et suis-nous. » Elle s'engagea la première dans les trois corridors creusés à travers la roche. Jean y pénétra sur ses pas. De la voûte, des eaux amères s'égouttaient, et les parois étaient luisantes comme des joues où on ruisselait des larmes. Ce trajet souterrain fut de courte durée. Quand on se retrouva à l'air libre, Jean ne fut pas médiocrement désappointé de voir qu'il faisait dans le ciel la même nuit et que la grève était tout aussi nue, tout aussi plate. Elle mentait donc comme les autres, la belle légende de la Vierge du Ménéum, puisque le miracle tardait tant à s'accomplir. Dame Marie devina-t-elle le doute qui assombrissait l'âme de son filleul? Elle eut un sourire étrange, un plissement malicieux des lèvres. « Allons, vieux barde, ouvre grand les yeux !» Se disant, le visage tourné vers la baie, elle élevait en ses bras le mabic. Maintenant, il semblait tout en or, ce mabic. Il agita ses petites mains, et de chacun de ses doigts, des jets de feu s'élancèrent, rayant l'espace comme des fusées. Puis il s'écria d'un ton enfantin, quoique un peu triste, « En l'honneur de ma naissance, je veux que toute chose morte renaisse. » Il n'eut pas plus tôt achevé que, dans la plage déserte, il se fit comme un vaste remuement, où il n'y avait tout à l'heure que sable, monotonie, stérilité, solitude. Des maisons surgirent, et plus haut que les maisons montèrent des palais, et plus haut que les palais se dressèrent des clochers d'église. À la place de la mer disparue, une mer nouvelle s'épandait, un océan de toits, une houle d'ardoises bleuissantes, où les cathédrales avaient une majestueuse immobilité de vaisseaux à l'ancre, où les flèches de pierre pointaient comme des mâts. Une ville? Non, mais un peuple de villes. Elles étaient toutes là, pressées les unes contre les autres, les cités dont la tradition bretonne a perpétué jusqu'en notre temps les noms et le souvenir. Tolente qui fut, dit-on, où est Plouguerneau, Oxysmore qui fut, où est Saint-Paul, Lexobie qui fut, où est le Coslodette, Kerhis enfin, Kerhis la somptueuse dont le spectre domine encore tout le pays de Cornouailles. La Bretagne des jours fabuleux ressuscitait sous la forme d'une Jérusalem messianique à l'appel du Messie. L'âge d'or des vieilles tribus armoricaines revivait. Jésus fit un signe. Et voilà les cloches de Noël de s'abattre de ci de là sur les clochers de ces villes de rêve. Les voilà de se nicher dans les hautes chambres avec leurs longues chevelures blondes ou brunes pendant jusqu'à terre, pareilles à des cordes tressées. Et les étoiles errantes de se disperser dans les maisons, d'allumer une flamme dans les âtres, de brûler derrière les vitres sur les tables, comme les chandelles joyeuses d'un réveillon, dans les rues sinueuses baignées d'une lumière élyséenne qui les faisait ressembler à des sillages de barques, tant elles les argentaient doucement, des ombres commencèrent à se mouvoir, silhouettes encore indistinctes, mais qui allaient se précisant. Ainsi que le lui avait narquoisement recommandé sa marraine, Jean Rumingol avait ouvert tout grand ses yeux. Il n'osait les en croire. Au fond, il avait peur. Cette réalisation imprévue, du plus tenace et du plus impossible de ses vœux, le terrifiait. Il aurait voulu fuir, se retrouver dans le Ménez, la tête appuyée au Bernmain, échapper n'importe comment à cette vision tant souhaitée des choses d'autrefois, redevenues actuelles, présentes, vivantes, trop vivantes. Mais ses pieds s'étaient comme enracinés dans le sable. Il était prisonnier de son propre songe. Peut-être qu'en implorant Sainte Marie, il joignit les mains, entr'ouvrit la bouche pour la supplier. Elle avait disparu. Disparu aussi le mabic. Il ne restait d'eux que cette grande clarté enveloppant quatre villes mortes qui se mettaient à revivre. Le barde, en regardant du côté de la terre, constata qu'un mur immense la lui fermait, un mur noir, impénétrable, une cloison sans issue. Devant lui, en revanche, s'élargissait un éventail de rues aux perspectives indéfinies. Il entendait geindre, en s'ouvrant, les volets ankylosés des boutiques. Des marchands très anciens aux figures jeunettes paraient les façades de leurs maisons de défroques historiques. Les justaucorps en peau de roc se balançaient, accrochés à des clous. Des bijoux barbares flambaient aux vitrines des orfèvres. Une odeur de sanglier rôti s'exhalait des cheminées et flottait en fumée odorante sur les toits. Des groupes de gens de tout âge, et de l'un et de l'autre sexe, s'acheminaient vers les églises au bruit des cloches bourdonnantes. Sur une place, un vieillard inspiré chantait. Il avait la barbe drue et sa chevelure se mêlait à sa barbe. Autour de lui faisaient cercle des gars énormes, des filles d'une beauté souveraine. Il chantait dans une langue rude et cependant très musicale. Dans une langue aux sons gutturaux que tempérait, que voilait une sorte de nasillement triste. Et il s'accompagnait d'un instrument bizarre, d'une lyre à deux nerfs, l'un grave, l'autre mordant, mélopée lamentable traversée d'un filet d'ironie. Ce que cet homme disait à cette foule, Jean Rumingol voulut le savoir. Il oublia tout le reste, sa peur même, et s'élança tête baissée au cœur des villes englouties par la première voix qui s'offrait à lui. Arriva-t-il jusqu'au chanteur, son lointain ancêtre? Sut-il comme il se nommait, si c'était Taliesin, Marzin ou Gwenclan? Apprit-il de lui le poème à la fois religieux et sceptique qui dut, à l'origine, bercer notre race? S'endormit-il après l'avoir écouté sur une pensée de confiance ou dans la torpeur résignée du désespoir? C'est ce que l'histoire de Jean Rumingol ne révéla jamais. La vieille femme qui me l'a conté demeure à Port-Blanc, dans les côtes du Nord. Elle connut en sa jeunesse le barde Cornouaillais, déjà vieux. En guise d'épilogue, elle ajoutait ceci. J'imagine que Jean Rumingol prit son rêve pour une réalité. Il avait le culte de la Bretagne ancienne. Je l'ai vu pleurer parce qu'il entendait les petits garçons de l'école primaire converser entre eux en français. Il n'aimait pas les nouveautés, et c'est pourquoi les générations nouvelles ne l'aimaient point. Si vraiment la Vierge l'a fait vivre durant la nuit de Noël dans Kairis, elle a rempli son vœu. Peut-être y choqua-t-il son verre contre celui d'Aès. Ils sont réjouis, j'en suis sûr, et ce fut sa dernière joie. Aès, vous le savez, c'est le symbole de la Bretagne qu'on jette à la mer comme un bagage encombrant. Ainsi les Français, les Gaëls, se sont débarrassés de nous. Le lendemain de cette nuit-là, le cadavre du chanteur de chansons fut repêché au bout d'une gaffe par des hommes de Douarnenez. Faut-il croire que l'océan, la grande bête cabrée, s'était vengée sur lui? On le dit. Mais en dépit de l'océan, la Bretagne, que Jean Rumingol aima, se survit au sein de l'océan même. La mer a beau faire, elle est grosse de nos villes comme le monde est plein de notre âme. Cela nous suffit. Ainsi concluait la vieille conteuse. Je revois en reproduisant son récit la chaumière basse où elle le narrait tout en filant. Le rouet faisait un bruit très doux, un ronronnement mélancolique comme une chanson du passé. La mer poussait jusqu'aux marches du seuil sa plainte inassouvie. Et je me représentais le cadavre de Jean Rumingol flottant sur les eaux du large, promenant sur les côtes de l'Armorique, en ses yeux clos de noyer, le mystère de nos légendes.